Là on est dans le Pento. Ah Joe, tu connais, on est au Sage-Pain, tu vois. C'est dans le hood, mon gars, si tu connais pas, ta mère. T'es, on est sur la rue Pâté, on est avec les Gava, tout, tu connais, un soir d'été, avec les fratés, dans la gigantesque. Non, on est là, tu vois. Ce soir, on a fumé, on a teasé. Personne n'y va baiser, on n'est pas du même ce soir. On est là entre nous, les gars, ils savent très bien qu'est-ce qu'on leur fait. L'autre, il est en train de parler tout seul là-bas avec le feu rouge, là, on sait même pas ce qu'il fait. Tout le monde, il est fonce, car on dirait au tricard, tu vois. Même le chef, il bête. Il y a des zombies, personne, tu vois. Ouais. T'en parles même pas, tu vois, juste ça fait circuler, tu vois, un petit peu de temps en temps. Tout le monde, il est dans ses problèmes. Au fond, on est ensemble. On est là jusqu'à le lendemain, Narvalo. T'as pas capté, c'est chaud. Tellement c'est la merde dans nos têtes, tu vois. Il y a que nous, les condés, ce soir, dehors, tu vois. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de tourner. Tu sais, ils savent que s'ils descendent aujourd'hui, ils sentent l'accident de travail. Ils ont mal choisi leur. Ils savent que. Ouais, ils vont traîner par les. On n'est pas d'humeur aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Ils vont bientôt vite le savoir, ces salopes. Voilà, tu vois, chacun pense à ses blèmes pro, on est là. On cherche le cash money, tu vois ce que je veux dire ou pas. Pour l'instant, les poches, elles sont vides, tu vois ce que je veux dire. C'est nous, on parle pas trop d'argent, tu sais, on aime pas trop montrer. Tu connais, on est toujours formel, nous. Le Coran, et y en a un qui fait le malin, je le balave direct. T'as pas oublié, mon gars. La ganache, elle est trop formelle. Si t'as pas la ganache qui va avec, ah mon gars, c'est terrible pour toi. Sur ce, ça va se fuck top comme d'hab. Hein. Ah mon gars, ça, tu sais, t'as capté, hein. Toujours une petite seconde sur le teco. On est là. Les Yankees auront toujours leur dose, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est comme ça. De toute façon, tu sais, ils entendent la ganache, ils savent très bien c'est qui. Hein. On a des mamans, nous, hein. Nos mamans, elles nous attendent à la baraque, hein, sur la vie de ma mère. Vous croyez, on est là pour. On va décorer le quartier comme ça, gratuit toute l'année ou quoi. Franchement, tu vois, le but, c'est là, tous les gavins, Inch'Allah, qu'on puisse s'en sortir, tu vois ce que je veux dire ou pas. On est là, on supporte entre nous, même si des fois c'est la demeure, des fois ça part en yuku. Des fois ça part en sauce tomate, tu vois le délire ou quoi, le lendemain on est poteau, tu vois, c'est la famille, c'est comme ton frère ou ta soeur ou tes parents, tu t'embrouilles avec eux, tu te prends la tête, il y a des petites crises par-ci par-là, le lendemain vous baisez une grosse pétasse ensemble, il te fait une passe du gauche, tu vois, pas. Tu la prends, tu la retournes par-ci, tu te dis voilà, ça c'est bon, on aime trop ça, c'est trop, tu sais, c'est trop, j'aime trop, ben oui, j'aime trop.